jour, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Example sentences. Noël cette année, c'est un lundi. Aujourd'hui, c'est lundi. Le dimanche, je ne travaille pas d'habitude.